James Dean. Je rajoute une couche de banane pour faire tenir ma banane. Je tire sur ma Marlboro avec l'air blasé d'un héros. Personnellement, je me trouve au point, mais c'est le décor qui est pas très bien. Le studio doit fermer, on a fini toutes les chansons. Merci à l'ingénieur du son, on a fini tous les morceaux. Merci à tous les musicaux, et puis aussi merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Okay, Gilles, Evie, do you have time to do another song?